Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle écrite par Serge Lehmann, qui est né en 1964 dans l'Essonne. C'est un écrivain, scénariste et critique. Il est, depuis les années 1990, l'une des figures du fantastique et de la science-fiction en France. Voilà, voilà. L'histoire s'appelle Origami. Elle est parue aux éditions de Noël. Sous le titre de Le haut lieu et autres espaces inhabitables. Hier soir, pour la première fois depuis la fin de mon stage à la maison des cigognes, j'ai parlé à un être humain. J'étais chez moi, affalée dans ma chambre, en train de mâcher un buvard TRC. Je regardais le best-of mensuel de « Perdu dans la ville » quand l'unité domotique m'a dit que Reisner essayait de me joindre. Je me suis demandé qui avait bien pu s'introduire dans mon appartement pour me reconnecter au réseau. Si je m'étais sentie mieux, je me serais levée, j'aurais fait le tour des portes et des fenêtres à la recherche de traces d'effraction. Mais la seule idée de quitter l'horizontale me donnait la nausée et l'unité domotique insistait. J'ai pris l'appel. « Vincent, comment ça va ?» a demandé Reisner avec sa voix de rédacteur en chef. « Foutez-moi la plaie, Charles !»« Vous avez décroché ? C'est bon signe !» Je suis passée par là, moi aussi. Je sais ce que vous ressentez. Vous êtes en train d'assimiler l'enseignement de la maison. Les effets du TRC se dissipaient. Personne n'était entré chez moi pour établir mes liens avec le monde extérieur. Je m'étais reconnectée moi-même sans m'en rendre compte. J'ai dit à Reisner, vous n'aviez pas le droit de m'envoyer là-bas. N'importe qui au journal, mais pas moi. Qu'est-ce que je peux faire de cette horreur ? Je suis chroniqueur télé. Herman Diaz aurait été plus qualifié. Herman a fait le stage au début de l'année, quand tout le monde le croyait à Megève. C'est le premier que j'ai envoyé. Sur l'écran souple au pied du lit, une femme blonde, customisée sur le modèle standard, Monroe Bardot Stone, contemplait son image dans les vitrines d'une galerie marchande, rue de Rivoli, avec une expression stupéfaite. J'avais déjà vu cette séquence. Je lui avais même consacré un article. Le principe de « perdu dans la ville » qui consistait à effacer pendant 48 heures la mémoire de cobayes volontaires à l'aide d'un dérivé de pain total, puis à les suivre dans Paris comme des amnésiques évadées d'un HP, atteignait parfois l'intensité dramatique du cinéma muet. C'était le genre de choses que j'écrivais. Diaz, de son côté, dirigeait la rubrique scientifique du journal. J'ai demandé à Reisner ce qu'il attendait de moi. « Ressaisissez-vous, prenez le temps qu'il vous faudra, et ensuite, quand vous serez prêt, venez me voir. La chronique télé est un instrument comme un autre, Vincent. Ce qu'on veut, c'est préparer le public à la nouvelle réalité. » J'ai coupé, et je suis sortie sur la terrasse, il faisait nuit. J'étais tellement nerveux que j'ai pris un autre buvard. Je n'ai pas osé lever les yeux tout de suite, de peur d'apercevoir une étoile. En attendant que le TRC se diffuse dans mon organisme, j'ai continué à regarder la télé par la fenêtre ouverte. Sur l'écran, comme dans mes souvenirs, la femme customisée se débattait au milieu d'une foule de doubles. Les miroirs holographiques qui ceinturaient le hall de la galerie marchande lui renvoyaient son image démultipliée et retouchée pour déclencher un réflexe d'achat. Mais cette femme n'était pas une cliente ordinaire. Elle ne se rappelait pas son nom, ne reconnaissait rien de ce qu'elle voyait. Elle était terrifiée. Quand deux de ses reflets se sont croisés à travers elle et qu'elle s'est mise à hurler en se griffant les joues, j'ai failli rappeler Reisner. La nouvelle réalité, le public était déjà au courant. Voilà comment ça s'est passé. Je suis arrivée à la maison des cigognes lundi matin et il pleuvait. Reisner m'ayant prévenu que j'aurais à conduire à travers la forêt noire, j'avais pris le TTGV la veille pour passer la nuit à Fribourg. Une grosse Renault Argonaut, louée pour le journal, m'attendait sur le parking de l'hôtel. J'étais encore apte au bonheur à ce moment-là. Je ne savais pas que le monde était raté. Comme aucune des filles que je connaissais en Allemagne n'était disponible, j'avais passé la soirée à manger des canapés au saumon et à regarder la SDF en prenant des notes. Je me sentais concentrée, professionnelle, très à l'aise dans le rôle du jeune loup aux dents longues. La façon sibylline dont Reisner m'avait convaincue d'accepter le stage me donnait l'impression d'être important et quand, le lendemain matin, j'ai atteint la maison après 2 heures de route, je me suis même demandé si je n'étais pas sur le point d'accéder à des sphères de pouvoir inconnues. 3 agents de sécurité m'ont forcé à faire halte au portail. Ils m'ont prélevé un peu de salive à l'aide d'une sonde stérile et ont pris une photo de ma rétine. Reisner m'avait averti qu'il y aurait un contrôle biométrique. Je n'ai pas protesté. Quand je suis remontée en voiture, un des agents s'est installé à côté de moi pour me guider par geste à travers le labyrinthe de bois, de haies et de chemins de terre qui s'étendait derrière le portail. Il pleuvait de plus en plus fort. Il faisait sombre. Les phares se sont allumés et là, entre les arbres, j'ai vu la maison. C'était une grande bâtisse à 3 étages, comme dans les clips touristiques de Bad Württemberg que j'avais téléchargé avant mon départ. Elle possédait un toit en mosaïque, des fenêtres à petits carreaux et des murs à colombages. Aujourd'hui, évidemment, je suis incapable d'évoquer la maison sans ressentir le désespoir que la nouvelle réalité a superposé à son image. Mais sur le moment, je l'ai trouvée belle. En tout cas idéal pour un stage confidentiel. J'ai garé la voiture à côté d'une électro-Mercedes sur le terre-plein qui servait de parking. L'agent de sécurité a ouvert sa portière et, sans rien dire, a repris à pied le chemin du portail tandis qu'un petit homme vêtu de blanc s'avançait dans la lumière des phares. J'ai coupé le contact, frappé par la grâce avec laquelle l'homme évoluait sous l'averse. Le parapluie ouvert qu'il tenait à bout de bras ne le protégeait pas. L'eau ruisselait sur lui, littéralement. Ce n'est que lorsque je suis sortie de la voiture que j'ai compris. Le parapluie était pour moi. Après s'être assuré que j'étais à l'abri, l'homme a souri et m'a dit d'une voix douce « Vincent Beck, je m'appelle John. Bienvenue à la maison des cigognes. » Comment ai-je fait pour ne pas le reconnaître à ce moment-là? La télé avait pourtant diffusé son portrait en boucle quand il avait quitté Princeton pour le Népal. Visage d'Indien étroit, rayonnant de bonté, peau brune, yeux noirs comme des éclats de charbon. D'accord, ce n'était pas lui, pas vraiment, mais la ressemblance était telle que j'aurais dû l'identifier. Au lieu de ça, je l'ai laissé prendre mon sac sur la banquette arrière de l'Argonaut sans protester. Je n'ai pas pensé à lui faire une place sous le parapluie tandis qu'il m'escortait jusqu'au perron et une fois à l'intérieur, c'est tout juste si je l'ai remercié. Au cours de mes 10 premières minutes à la maison, je l'ai traité comme un domestique. Lui, John Shankar, le plus grand physicien du monde depuis Einstein et Bohr. Même si ce jeu de rôle était son idée, sa façon d'acclimater la nouvelle réalité, je ne me le pardonnerai jamais. La chambre dans laquelle John m'a conduit ressemblait à une cellule de moine. Elle se trouvait au sous-sol de la maison et comportait le minimum de mobilier, lit, chaise, table, lampe. Une porte dont la largeur n'excédait pas 60 cm donnait sur un cabinet de toilette tout aussi spartiate. Dans le couloir, John attendait que je l'invite à entrer. Il portait toujours mon sac et une flaque d'eau s'élargissait à ses pieds, mais j'étais trop déconcertée par ce que je voyais pour penser à lui faire signe. À côté de la table se dressait un chevalet sur lequel était disposée une liasse de grandes feuilles blanches et sur la réglette du chevalet, des pinceaux dépassaient de beaux d'encre noire serrés les uns contre les autres. J'ai passé ma main à plat sur la première feuille. Derrière moi, à la jointure du mur et du plafond, s'ouvrait la seule fenêtre de la chambre, mais elle était si petite et donnait si peu de lumière que j'aurais pu me trouver dans un local clos. Déprimé à l'idée de passer le reste de la semaine dans cette atmosphère de cave, je me suis laissé tomber sur le lit. « Ce n'est pas ce que vous attendiez ?» a demandé John. Je l'ai regardé, il est entré. Il a posé le sac sur le sol, s'est dirigé vers la table, a allumé la lampe, puis est revenu se placer devant moi. C'est à ce moment-là, je crois, que j'ai compris qu'il n'avait rien de domestique. Je ne l'ai pas reconnu, même si j'ai trouvé son visage familier. Mais j'ai senti dans sa posture et le ton de sa voix une telle autorité que le jeu de rôle auquel je m'étais livrée avec lui depuis mon arrivée m'est apparu pour ce qu'il était, une erreur d'interprétation. Je me suis redressée et j'ai répondu « Je ne sais pas ce que j'attendais. C'est Charles Reisner, mon patron, qui m'a poussé à venir ici, mais il ne m'a pas dit grand-chose. » J'ai continué à parler un moment, étonnée de ma propre volubilité. J'ai dit qui j'étais, ce que je faisais. J'ai expliqué comment Reisner s'y était pris pour me convaincre d'accepter le stage. Comment il m'avait laissé entendre que ma carrière en profiterait. Quand il en parlait, j'avais l'impression d'une sorte de club pour cadre sup. C'est idiot. John a souri. C'est assez proche de la réalité. Ce que vous allez apprendre ici n'est connu que d'un très petit nombre de gens. C'est le problème d'ailleurs. Mais en ce qui concerne votre carrière, j'ai peur que ça n'ait pas les effets escomptés. Ce serait plutôt le contraire. Je ne peux pas dire que j'ai été surpris par cette déclaration. À la seconde où j'avais franchi le seuil de la maison, j'avais compris que ce qui s'y passait n'avait rien à voir avec le post-management ou l'influence théorie, en vogue dans le monde des médias. À l'appui de cette intuition, je ne peux citer aucun élément objectif. C'était plutôt une question d'ambiance. Sur le parking où j'avais garé l'Argonaute se trouvait, outre l'électro-Mercedes, une vingtaine de voitures. Mais les couloirs et les escaliers le long desquels John m'avait conduit étaient vides et silencieux. Où étaient les autres stagiaires? Je n'avais pas osé poser la question. À un moment, j'avais perçu une rumeur lointaine. Je m'étais arrêtée pour écouter, mais le phénomène avait pris fin. Et juste après, John avait fait halte au milieu du couloir, devant la porte de ma chambre, où il était resté, ruisselant, jusqu'à ce que nos regards se croisent. Je lui ai demandé quel était le but du stage. Son sourire s'est élargi. Et cette fois, il y avait autre chose que la bonté en lui. L'esquisse, monsieur Beck, le brouillon, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici, pour apprendre à aimer le brouillon. J'ai regardé le chevalet. L'allusion semblait claire. Comment aurais-je pu deviner qu'il me faudrait attendre la fin de la semaine et les révélations de Maxime Derry pour comprendre ce qu'elle signifiait vraiment? Je n'avais jamais entendu parler de la matrice de Shankar. L'information que vous allez recevoir est novice, a ajouté John en m'invitant d'un geste à approcher du chevalet. Elle va modifier votre rapport à la réalité. Pour la supporter, vous devez subir une préparation. Et tandis que je me levais, il m'a expliqué que j'allais rester dans la chambre 24 heures sur 24, jusqu'au dimanche suivant, que lui, John, serait la seule personne avec qui j'aurais les contacts pendant cette période, qu'il m'apporterait lui-même mes repas et superviserait mon travail. Si ça devenait trop difficile et qu'il me fallait un moment d'intimité, j'avais le droit de lui en parler, mais En règle générale, je devais attendre le soir pour rester seule. J'ai demandé « Quel travail ?» Il a réfléchi avant de me répondre. « Ça va vous paraître arbitraire, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. J'ai subi cette préparation moi-même et j'ai pu constater son efficacité. Vous allez dessiner des cercles, Monsieur Beck, à main levée. Au début, vous allez tâtonner un peu, mais quand vous aurez atteint votre vitesse de croisière, vous en ferez à peu près 800 par jour. Tous les stagiaires y parviennent. Quand vos cercles seront parfaits, quand vous comprendrez pourquoi ils le sont, ce sera le signe que vous avez reconfiguré votre système nerveux et que vous êtes prêt à accepter la nouvelle réalité. En général, ça arrive le 6e jour. » Il m'a adressé une grimace de pitié. « J'aimerais qu'il y ait une autre méthode. » Avant mon départ, Reisner m'avait prévenu que la maison exigeait de ses stagiaires un comportement strict. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de drogue d'aucune sorte. Pas de télé, évidemment. C'était une perspective tellement effrayante que la veille, à l'hôtel, je m'étais collé 3 patchs de SUB longue durée sous les biceps pour gérer le stress. Est-ce la raison pour laquelle je me suis plié aussi facilement aux instructions de John? Le SUB a de légers effets hypnotiques. Avec le recul, il me semble que j'aspirais sans le savoir à une telle discipline. Quelques mois plus tôt, j'avais analysé la dramaturgie d'une émission anglaise intitulée « La Cherche ». Qui envoyait des volontaires, des mères de famille obèses, issues des banlieues de Leeds ou d'Édimbourg en général, passer 10 jours dans un ashram après les avoir équipés de mini-cams pour ne rien rater de leur renaissance spirituelle. Évidemment, tout était biaisé, mais c'était ma culture, mon langage. Il ne me serait pas venu à l'idée de m'indigner. John changeait ça. Il y avait quelque chose en lui qui éliminait sans effort tout ce qui n'appartenait pas à présent, au présent immédiat. Quand je lui expliquais ce que je faisais au journal, il n'avait manifesté ni ironie ni réprobation. Ah, la télé, l'art qui retombe sans cesse en enfance. Il y a tout un vocabulaire critique à créer. C'est intéressant. Il ne s'était pas étendu sur le sujet, mais pendant un instant, j'avais éprouvé autre chose que le détachement glacial qui m'avait toujours paru aller de pair avec mon travail. Je m'étais sentie si fière. Ça ne m'était pas arrivé depuis une éternité. Du coup, la perspective de passer une semaine en tête-à-tête avec lui ne semblait plus aussi éprouvante. J'ai fait ce qu'il me demandait. J'ai ouvert un pot d'encre de Chine, choisi un pinceau et sans réfléchir, j'ai tracé mon premier cercle. John s'est approché de moi et nous avons examiné le résultat ensemble. « Très bien, » a-t-il dit en ôtant la feuille du chevalet. « Recommencez. » J'ai obéi pendant qu'il laissait mon dessin tomber par terre avec détachement. J'ai fait une dizaine de cercles et aucun n'était parfait. Le calme de la chambre, la répétition des gestes, le bruit feutré du papier qui touchait le sol se combinaient aux effets du SUB pour me plonger dans un état de transe légère. J'ai continué à dessiner. Au bout d'un moment, John a ramassé toutes les pages qui traînaient avant de se diriger vers la porte. Je me suis tournée vers lui. Il a souri pour me rassurer avant de sortir. « Ne vous arrêtez pas !» Quand il est revenu, une minute plus tard, ses mains étaient vides, mais j'avais repris le travail et c'est tout juste si je lui ai jeté un coup d'œil. Avec plus d'attention, j'aurais remarqué 2 choses. John était sec, cheveux et vêtements compris, et il mesurait environ 5 cm de plus qu'au moment où il s'était absenté. Je ne me rappelle pas à quel moment j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs hommes et je ne sais pas non plus combien ils étaient. Quand Maxime Derry et moi avons exploré la maison à la fin de la semaine, le groupe qui nous attendait au premier étage se composait d'au moins 40 sosies customisées et rien ne dit que le vrai Shankar se trouvait parmi eux. En général, la première substitution avait lieu à l'heure du déjeuner. Le John de la matinée s'éclipsait et un autre m'apportait mon plateau repas avant de superviser mon travail de l'après-midi. La même opération se répétait pour le thé de 5 heures et parfois pour le repas du soir. Ils possédaient tous le même visage, mais ne cherchaient pas à masquer les différences de détails. Ils voulaient que je comprenne. Celui qui avait regagné la chambre les mains vides était le plus grand. Un autre avait une cicatrice en forme de cœur au poignet gauche. Mais tous se comportaient de la même manière avec moi. Tous possédaient ce mélange d'humilité et d'autorité qui, je le suppose en tout cas, émanait du John Shankar originel, comme si sa personnalité se réfléchissait à travers eux. Je ne leur ai jamais posé la moindre question. Un psy dirait peut-être que j'étais sous influence, que le motif du cercle constituait un inducteur hypnotique et que la maison elle-même, la bâtisse concrète et son corps symbolique de rite et d'obligation étaient un dispositif conçu pour affaiblir mon sens critique. Mais ce serait une description très pauvre de ce que j'ai vécu. Dès le troisième jour, comme John l'avait promis, j'ai franchi le cap des 800 dessins et, par la suite, je me suis toujours maintenue au-dessus, avec une sûreté d'instinct que les héroïnes de The Shears elles-mêmes auraient admirée. J'ai vite compris que je devais me détacher des cercles pour me concentrer sur ce que j'éprouvais en les réalisant si bien que la question du but ne s'est jamais vraiment posée. Du moins jusqu'à ce que je sois contraint de regarder la nouvelle réalité en face. Comme dans les meilleures séries télé, la quête semblait se justifier elle-même. Le silence, la présence lumineuse de John m'enveloppait. Le pinceau glissait, l'encre épousait le papier, et soudain j'entendais en moi le ressac d'un océan de félicité. Je ne l'atteignais jamais, bien entendu. Les pages qui jonchaient le sol portaient toute la marque de mon échec. Quand elles étaient trop nombreuses, John les rassemblait et les emportait hors de la chambre sans dire un mot. Les seules auxquelles il ne touchait pas étaient celles que je froissais et lançais à travers la pièce. Il les suivait du regard avec fascination, étudiait leur forme, l'endroit où elles retombaient, comme si une loi inconnue gouvernait le phénomène. À la fin de la semaine, ma chambre était constellée de boules de papier. Quand enfin il levait les yeux, c'était pour me rappeler que je devais apprendre à aimer le brouillon. Je ne sais pas pourquoi cette expérience a eu un tel impact sur moi. Aujourd'hui encore, alors que j'ai pris la mesure des chimères que je poursuivais, une partie de moi continue à croire que si Maxine n'avait pas fait l'irruption dans ma chambre la dernière nuit, j'aurais atteint le cercle parfait. Elle est apparue juste avant minuit, cette petite femme rousse que je n'avais jamais vue. Je ne l'ai pas entendue arriver. J'étais tellement subjuguée par le charisme de John que je n'avais même pas pensé à vérifier que ma porte était fermée. Moins docile, Maxine s'était risquée hors de sa chambre dès son premier soir à la maison. Elle avait recommencé le lendemain et les jours suivants, par raid de 5 minutes. À force d'entrer partout où elle le pouvait, sans jamais quitter le sous-sol cependant, elle avait fini par tomber sur moi. J'étais seule, allongée sur mon lit, les mains croisées derrière la nuque. Je fixais le rectangle pâle du chevalet qui semblait flotter de l'autre côté de la chambre. Quand j'ai vu son visage se matérialiser dans la pénombre, j'ai failli hurler. Elle a allumé la lumière, mais même après ça, j'ai mis un moment à me calmer. Elle en a profité pour me dire qui elle était. Je n'ai retrouvé aucun souvenir la concernant, et pourtant son nom m'a paru familier. J'en ai déduit qu'Herman Diaz avait dû le prononcer devant moi. Maxine dirige la rubrique scientifique du Guardian. Elle, en revanche, me connaissait. Elle achetait chaque semaine la traduction anglaise de ma chronique depuis que j'avais parlé de The Search, son show préféré. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a tutoyée tout de suite. Dans d'autres circonstances, j'aurais été ravie de ce surcroît de notoriété, mais là, j'ai trouvé ça suspect et je le lui ai dit. Elle s'est mise à rire. Suspect, le mot est faible. Moi, je crois que Shankar a tout prévu, y compris notre rencontre. En entendant le nom de John, j'ai tressailli. Maxine m'a jeté un regard stupéfait. « Attends, tu veux dire que tu ne l'as pas reconnu ? John Shankar, le plus grand physicien depuis Einstein, est Bohr. » Il nous a fallu une demi-heure supplémentaire pour dénouer l'écheveau d'énigmes et de contradictions qui séparaient nos histoires respectives. Maxine était arrivée à la maison le lundi. Elle aussi, mais en début d'après-midi, et avec des renseignements plus précis que ceux qui m'avait fournis Reisner. Sans citer de nom, sa rédactrice en chef l'avait informée qu'elle devait se rendre en Allemagne pour y recevoir une information scientifique de premier plan. Une information, avait-elle ajouté, trop déstabilisante pour être livrée telle qu'elle au public. Quand John est venu l'accueillir sur le parking, Maxine avait tout de suite fait le rapprochement. « Je l'aurais reconnu même sans cela », a-t-elle précisé. « J'ai écrit au moins 10 papiers sur lui et ses recherches au moment de son départ de Princeton. » Le thème de l'information secrète, combiné à l'envergure scientifique de John, avait empêché Maxine de prendre au sérieux l'aspect pratique du stage. Elle avait dessiné ses 800 cercles par jour sans y mettre d'affect, en se disant que la maison testait sa patience. Quant aux sosies, c'était un mystère qu'elle ne pouvait résoudre avant d'avoir été confrontée à la nouvelle réalité. Elle m'a donné sa version des faits l'après-midi du dimanche pendant que je la raccompagnais à Fribourg. Quand John a annoncé qu'il interrompait ses recherches pour rentrer chez lui au Népal, il y a eu pas mal de rumeurs sur sa présence dans un monastère bouddhiste près de Gargunza. La NHK a envoyé une équipe sur place, mais à son arrivée, le monastère était vide. Toi qui passes ta vie devant la télé, tu devrais t'en souvenir. À mon avis, John a enrôlé les moines. Il leur a dit non, il leur a prouvé qu'il avait besoin d'eux pour sauver le monde des effets de la nouvelle réalité et il les a fait customiser à son image dans une clinique privée. En Chine, probablement. En plus, c'est une épreuve initiatique classique, trouver son chemin au milieu de la confusion et des doubles. John voulait qu'on comprenne son processus mental de l'intérieur. Il nous a imposé ce qu'il a vécu. Sauf que lui, bien sûr, c'était à l'échelle de l'univers entier. Il était 4 heures du matin quand Maxine m'a convaincue d'explorer la maison avec elle. L'aube du dernier jour était sur le point de se lever et j'avais fini par accepter l'idée que je n'atteindrais jamais le cercle parfait, dans un univers de sphéroïdes et d'orbites elliptiques. Il n'existe ni perfection ni circularité. Tel était l'argument de Maxine pour m'arracher à la transe du chevalet. Nous sommes sortis dans le couloir en laissant la porte de ma chambre ouverte pour profiter de la lumière. Maxine m'a montré les pièces qu'elle avait visitées. Elles étaient toutes vides. S'il y avait d'autres stagiaires dans la maison, ils logeaient ailleurs. Elle m'a aussi montré sa chambre, pleine de boules de papier froissées comme la mienne. À pas de loup, nous sommes remontés au rez-de-chaussée, dans le grand hall. Maxine a posé sa main sur mon avant-bras, de l'autre côté du hall. Deux hommes inconscients de notre présence se dirigeaient vers l'escalier monumental donnant accès au premier étage. Maxine a dit sans faire de bruit, juste en bougeant les lèvres, « Ce sont des stagiaires comme nous. » À leur façon de se déplacer, j'ai su qu'elle avait raison. Nous avons couru pour les rattraper, mais à l'instant où nous posions les pieds sur la première marche, une rumeur en provenance du palier supérieur nous a enveloppés et forcés à lever les yeux. Massés contre les balustrades qui ceinturaient le premier étage, une quarantaine de John nous observaient. Tous arboraient l'expression de maîtrise bienveillante que j'avais appris à connaître. La plupart souriaient. Un petit groupe nous a même fait des signes de la main pour nous inviter à monter. Immobiles au milieu de l'escalier, les deux stagiaires nous ont jeté un coup d'œil craintif. En les rejoignant, Maxine a reconnu l'un d'eux, un homme au crâne rasé qui, c'est ce qu'elle m'a dit, était correspondant de l'AFP auprès de l'Agence européenne de la recherche. Nous avons atteint ensemble le premier étage. Entre-temps, les John avaient quitté les balustrades pour former un cercle sur le palier. Il y avait aussi d'autres stagiaires, dont un que je connaissais, un rock critique tchèque nommé Luca. Plus tard, quand on s'est tous retrouvés dehors pour comparer nos impressions, juste avant de quitter la maison, je me suis rendu compte que Maxine avait vu juste. En dispersant les stagiaires deux à deux, les John avaient délibérément visé la formation de binômes scientifiques, non scientifiques. Certains étaient entrés en contact dès le premier soir et parmi eux, j'en ai vu qui avaient noué une relation amoureuse. L'homme de l'AFP a dit que c'était une façon intelligente d'accélérer la diffusion de la nouvelle réalité. Dans mon cas, au moins, c'est une certitude. Sans Maxine, j'aurais été incapable d'interpréter ce qui se passait au premier étage de la maison. Un projecteur holographique se dressait au centre du cercle formé par les stagiaires et les jeunes. À la croisée des miroirs, une bulle sombre, de 2 mètres de diamètre, tournait lentement sur elle-même. Sa surface était mouchetée de points lumineux et son centre occupé par une image stylisée du système solaire. Une petite sphère brillante entourée d'orbites de plus en plus espacées. J'ai ouvert la bouche, mais Maxine a anticipé ma réaction. « Non, Vincent, ce n'est pas une représentation de l'univers, ou je ne sais quoi. C'est la construction théorique qui a rendu John célèbre, la matrice de Shankar. » Pendant qu'elle m'expliquait de quoi il s'agissait, la bulle s'est contractée sous l'effet d'un travelling arrière pour occuper un volume réduit au sein d'un espace plus vaste, peuplé d'étoiles. La matrice de Shankar, disait Maxine, était une objectivation idéalisée du point de vue humain sur le monde. Une image tridimensionnelle du ciel tel qu'on pouvait le voir en n'importe quel point du système solaire. Au cours de sa première année à Princeton, John avait souvent déclaré que son ambition initiale était d'exporter la notion d'observateur du domaine de l'infiniment petit à celui de l'infiniment grand. Après l'échec de la théorie des cordes, c'était le biais qu'il avait choisi pour essayer de concilier mécanique quantique et relativité. Par la suite, il avait abandonné ce cadre formel pour se concentrer sur les problèmes de topologie. J'ai dit, Maxine, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Mais l'animation holo était si claire qu'elle me donnait l'impression d'illuminer les mots de l'intérieur comme un sous-titrage. Dans l'espace virtuel en rotation, chaque étoile a engendré un rayon pointé vers la matrice de Shankar. Puis il y a eu un nouveau travelling arrière et le secteur s'est dissous dans une formation spiralée. Même moi, je savais que c'était la Voie lactée. D'autres rayons ont jailli. Maxine a continué d'expliquer. L'originalité de John, c'est qu'il a retourné tous les postulats implicites de la vieille astrophysique. Il a dit qu'il s'était inspiré de la phénoménologie de Husserl et évidemment, il y a l'influence du bouddhisme. Au lieu de considérer que le point de vue humain était un accident, il en a fait une réalité absolue, une chose qu'il ne fallait plus chercher à éliminer, mais au contraire à expliquer. Mathématiquement, les conséquences sont étonnantes. Les étoiles, par exemple, ne sont plus traitées comme des entités matérielles, mais comme des points distribués sur un plan incurvé. Elles n'ont plus aucune propriété physique, puisque les spectres qui servent à mesurer leur composition ou leur température peuvent aussi être décrits comme des phénomènes optiques. Dans le monde de John, la réalité, c'est ce que l'homme peut toucher et tout le reste est considéré comme fond d'écran. Pendant que j'assimilais l'idée, l'animation Holo a subi un nouveau travelling arrière. Et les planètes du système solaire, ai-je objecté? À part la Lune et Mars, on n'a pas d'expérience humaine directe. Les images envoyées par les sondes sont aussi des phénomènes optiques. Tout autour de nous, j'entendais les stagiaires discuter à voix basse pendant que les galaxies s'assemblaient en amas dans le cosmos virtuel de John Shankar. Maxine m'a souri. On pourrait marcher sur les lunes de Jupiter ou de Saturne, sur Pluton même, si on s'en donnait la peine. Mais les étoiles sont hors de portée. Plus personne ne pense qu'on ira. C'est comme si... J'ai attendu la fin de la phrase, mais elle n'est pas venue. Comme si elle n'existait pas, ai-je complété mentalement. Au centre du cercle, l'animation Holo était en train de subir une métamorphose. Elle embrassait désormais tout l'univers. C'est du moins ce que je croyais comprendre. Et les rayons lumineux qui émanaient des amas galactiques se tordaient, se divisaient, s'enroulaient sur eux-mêmes, comme s'ils suivaient les creux et les bosses d'une surface élastique. Derrière moi, j'ai entendu un stagiaire prononcer les mots « source fantôme » et « espace multiconnexe ». Puis, les amas ont disparu et les rayons eux-mêmes ont commencé à changer. Ils ont perdu de leur netteté, sont devenus diffus et ont fini par tapisser de brumes lumineuses la surface élastique dont toutes les déformations ont été révélées. Maxine m'a dit dans un souffle, John en était là quand il a annoncé qu'il quittait Princeton. Il a poussé son hypothèse aussi loin que possible. Il a vidé l'univers de tous les objets qu'il était censé contenir et il a regardé ce qui restait, la forme. Mais il n'a jamais dit comment. Oh, Seigneur ! Au-dessus de l'espace holographique, une formule mathématique était en train d'apparaître, signe par signe. Je suis incapable de la reproduire ici. Évidemment, et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Mais je me souviens qu'elle était très simple, une dizaine de lignes à peine. Dès qu'elle a été complète, le cosmos gondolé de John Shankar a commencé à se replier sur lui-même, par grands segments d'abord, mais très vite, des centaines puis des milliers de plis secondaires se sont formés. Quand toute la surface a été contractée en un point, il y a eu un effet de travelling avant. Le point s'est dilaté et une nouvelle séquence de pliage s'est amorcée à une vitesse foudroyante. L'animation holographique redescendait la gamme des échelles qu'elle avait parcourues dans l'autre sens quelques minutes plus tôt. Les plis se rabattaient les uns sur les autres, s'enchevêtraient, créaient des formations complexes qui se tassaient, se contractaient, s'intégraient à leur tour dans d'autres formations en effondrement. Quand le processus a pris fin, l'image holographique au centre du cercle ressemblait à ce qu'elle était au début, une sphère creuse de 2 mètres de diamètre. À ceci près que tout l'univers, infiniment replié sur lui-même, était contenu dans sa membrane extérieure et qu'il n'y avait pas d'étoiles. A1, le projecteur a replacé dans la sphère les symboles familiers. L'orbite de Pluton en premier, la plus excentrée, puis celle de Neptune, d'Uranus, et ainsi de suite jusqu'à la bille dorée représentant le Soleil. À côté de moi, Maxine a répété « Oh, Seigneur !» Une onde lumineuse s'est échappée de la bille. Elle s'est dilatée à travers la sphère, est entrée en contact avec sa surface intérieure et s'est divisée en une multitude de filaments qui ont commencé à sillonner l'intérieur de la membrane, suivant chacun de ses plis, comme dans un réseau de fibres optiques. L'un des filaments s'est replié, une étoile est apparue. Quelqu'un derrière moi a dit « Proxima du Centaure ». C'est Maxine qui m'a demandé de la raccompagner à Fribourg. J'ai dit quelque chose à propos de sa voiture de location, mais elle a haussé les épaules. Je l'ai laissée à l'aéroport et je suis rentrée à Paris. Je me suis enfermée chez moi pendant une semaine, jusqu'au coup de fil de Reissner. Je n'ai parlé à personne. Sur la terrasse, en mâchant mon buvard TRC, j'ai essayé de me représenter la situation. J'imagine que John a installé une maison de cigogne, ou l'équivalent, sur chacun des 5 continents, et que ces sosies customisées continueront, semaine après semaine, à former les responsables des médias à la nouvelle réalité. La question est, comment annoncer au public que l'univers s'arrête au-delà de l'orbite de Pluton et qu'il ne contient qu'une étoile, la nôtre, dont toutes les autres sont des images déformées. Si j'en juge par le sentiment de claustrophobie que j'éprouve à cette idée, un sentiment que rien ne peut soulager, pas même le TRC, je dirais que la prudence s'impose. J'ignore ce que je dois faire. Ce que je sais, c'est que dans les moments où le désespoir est trop fort, j'ouvre la fenêtre de mon appartement, je sors sur la terrasse, je regarde la ville étendue à mes pieds, pas le ciel, pas encore. Et je me souviens de la passion avec laquelle John étudiait mes pages froissées. J'essaye de me représenter la colère toute puissante dont il a retrouvé l'empreinte sous forme de lois mathématiques et qui, après avoir roulé le monde en boule, l'a rejeté parce qu'il était raté. J'essaye d'apprendre à aimer le brouillon. Eh bien, voilà, un petit peu plus donc sur les hologrammes. Bon, ils vont jamais s'arrêter là, nos scientifiques, hein. J'ai trouvé la musique de film, l'une de ses adaptations au cinéma, Immortel ad vitam, Goran Vejvoda. Voilà. Passez une bonne semaine sur Radio Gemozo. À plus tard.